Dans la première lecture, nous avons la joie de voir comment Dieu appelle un prophète. Comment est-ce qu'il l'appelle profondément, intimement, comment est-ce qu'il le façonne. Et il y a comme deux étapes. Il y a Dieu qui façonne l'âme du prophète pour qu'il puisse, dans un deuxième temps, porter sa parole. Il y a comment est-ce qu'on est modelé et comment est-ce que derrière on va agir pour le Seigneur. On pourra agir pour le Seigneur que si on se laisse modeler et façonner par Dieu. Le modèle du prophète, ici décrit en Isaïe, c'est le modèle de tout chrétien. Tout chrétien doit être apôtre. Tout chrétien doit vivre cette intimité avec le Seigneur, être façonné par le Seigneur en vue de racheter le monde entier, de travailler au salut des âmes. Évidemment, c'est aussi et premièrement la mission du Christ. Tout chrétien doit travailler à la mission même du Christ. Nous n'avons pas une mission différente de celle du Christ, mais nous devons travailler à la mission du Christ. Et alors, nous avons dans l'Évangile deux apôtres, Judas et Pierre. Et ces deux apôtres vivent leur mission de manière biaisée ici. Ils se trompent complètement parce que ils ne se sont pas laissés façonner suffisamment par le Seigneur. Judas ne se laisse pas façonner par le Seigneur intérieurement à cause de sa concupiscence, à cause de son désir des biens terrestres et de l'argent. Et Pierre, lui, ne s'est pas laissé suffisamment façonner par le Seigneur à cause de sa présomption. Il croit qu'il va pouvoir agir pour Dieu par ses propres forces. Alors que nous le savons, il deviendra le grand prophète à partir du moment où il aura trahi le Christ et où il aura été pardonné. Alors, demandons au Seigneur dans la passion, en fixant les yeux sur sa passion dans cette semaine sainte, de pouvoir détacher nos yeux des biens terrestres pour les attacher à lui, et puis aussi de pouvoir exposer nos faiblesses au Seigneur, de pouvoir lui exposer toute notre pauvreté et d'avoir une plus grande espérance dans sa force à lui. Nous y soyons certains que c'est par lui que nous sommes sauvés, par ses blessures que nous sommes guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.